A B on the B. Ce soir je prends la tasse noyée dans le coca jack. Si je te nique ta mère, bah je m'en bats la race. Transpire comme dans le sauna. Dans le carré vip, j'ai activé le sonar. À la recherche de ma proie, t'es un putain de renard. Y'a du gros messie, je vais zouker des boulards. J'erre dans les couloirs, j'ai même des cougars. Plus de bizarre, j'ai des pensées bizarres. Bientôt c'est trou noir, bout de baguette, par la poudlard. Disparaît sans même vous dire au revoir. J'apparais, je crois avoir le pouvoir. Mais je suis bien, je craque, je dois sans même le vouloir. Ouvre la porte, il faut que je m'aère. Pousse pas de là, je vais lâcher la galette. Vas-y, goûte une tasse, ça va te mettre une barre. Vas-y, goûte une tasse, ça va te mettre une barre. Vas-y, goûte une tasse, goûte une tasse, goûte une tasse, ça va te mettre une barre. Vas-y, goûte une tasse, goûte une tasse, goûte une tasse, ça va te mettre des barres. Vas-y, goûte une tasse, puis je marque les passes. J'aime voir s'agiter le cul, c'est tard. Je suis dans l'espace, la bombe fracasse. L'équipe arrive, il faut faire de la place. Si tu veux ma gueule, y'a pas de détails. Y'a en brouille tes potes, les peu détails. Menacer ma gueule par la volaille. Ça va te mettre une baffe. Goûte une taf. Ça va te mettre une baffe.